extrait d'album pop live sorti en 2007. Studek Web. Merci de nous rejoindre sur Studek Web, merci, il est 15h. Studek Web, les infos. Le rendez-vous de l'actualité, Maxime Gondelot. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Dans l'actualité de cet après-midi, les réactions sont nombreuses au 10e jour de mobilisation des Gilets jaunes. Le mouvement populaire s'est doté d'une délégation officielle de 8 porte-parole pour engager une prise de contact avec les représentants de l'État. Deux propositions principales sont faites: revoir à la baisse toutes les taxes et la création d'une assemblée citoyenne. Emmanuel Macron, de son côté, maintient son discours. Il ne cédera pas et veut un pacte social. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, elle, affirme que les violences de samedi dernier étaient voulues par le gouvernement. Aujourd'hui, plus de 20 personnes doivent encore paraître en comparution immédiate, selon le parquet de Paris. La croissance des salaires au plus bas depuis la crise de 2008, c'est ce que révèle une enquête de l'Organisation internationale du travail aujourd'hui, malgré une reprise économique dans les pays riches. Mais l'organisme pointe du doigt les écarts de salaires encore trop persistants entre les hommes et les femmes. Elles sont en moyenne payées 20% de moins pour un poste équivalent. L'écart de rémunération entre les sexes reste un phénomène largement inexpliqué qui, dans une certaine mesure, est lié aux préjugés et aux stéréotypes, a expliqué un des acteurs du rapport. À l'international à présent, l'escalade des tensions continue en mer d'Azov. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a condamné aujourd'hui l'usage de la force par la Russie. Le Kremlin, lui, assure avoir agi en stricte conformité avec le droit international. Une réunion du comité politique et de sécurité de l'UE à Bruxelles est actuellement en cours pour faire un point de la situation sur place. Les tensions avaient débuté suite à l'arraisonnage de 3 navires ukrainiens par la Russie. La Chine a-t-elle franchi la ligne rouge ? Un scientifique affirme avoir modifié génétiquement les gènes de 2 bébés pour les immuniser contre le VIH. Cette annonce n'a pas manqué de faire réagir la communauté internationale. L'expérience suscite de graves préoccupations éthiques, souligne le docteur Chan de l'université d'Édimbourg. Cependant, cette première médicale n'a pas encore été vérifiée de façon indépendante. La grisaille bien présente aujourd'hui sur l'ensemble de la France, Maxime. Et oui, effectivement, c'est un temps couvert pour le restant de la journée qui vous attend. Seule la côte méditerranéenne et la Bretagne sont épargnées, mais quelques nuages resteront bien visibles. De la pluie est également à prévoir, de la région Grand Est à la région Nouvelle-Aquitaine en passant par le centre. Le vent est plutôt faible sur les territoires, mais pousse la masse nuageuse vers l'Espagne. Côté température, le mercure est de saison avec 6 à Paris, 9 au Havre, 10 à Bordeaux et la maximale de 15 degrés pour Ajaccio. Merci Maxime, la suite de l'information à 15h30. Studek Borderline, au bord de la culture, au bord de la connaissance, au bord de la connerie. 15h, 16h, c'est Borderline sur Studek Web. Vous venez de nous rejoindre sur Studek Web, merci et bienvenue dans Studek Borderline, c'est votre émission culture décalée. On est ensemble pendant une heure avec moi, bon c'est pas la mort, mais avec Mona et Hugo, le temps passe beaucoup plus vite. Encore bonjour, moins la bonjour. Mort. Salut. Bonjour Mona, bonjour Antonin, bonjour. Oui, j'ai oublié mon français au vestiaire ce matin. C'est pas grave. Mona, alors dis-moi, c'est quoi ton programme du jour? Bon, mon programme du jour, bah écoutez, je vais vous faire une petite chronique coquine, hein, mm-hmm. Mais un peu à... Vous allez voir, j'aime pas trop dire. Coquine, parce que c'est un peu des surprises aujourd'hui. Dis pas plus, arrête, oui, on ne dit rien. Hugo, ton programme. Bah écoute, on va parler d'un film. Bon, tu l'as annoncé tout à l'heure, on va parler du Roi Lion. Et puis, bah écoute, on va s'amuser pendant une heure, ça va être sympa. Ça va être sympa. Des news, on en aura pour vous dans l'alerte média, de la musique. Et pour le sondage, on va faire un truc qui n'a jamais été fait. Mm-hmm. Suspense. On jouera aussi au jeu des poupées russes. Vous pourrez tenter de gagner un pack Studek Web avec une casquette et un t-shirt Studek Web. Et pour bien commencer l'émission, bah une petite blague. Alors, comment est-ce qu'on fait pour allumer un barbecue breton? Dis-moi. Je ne sais pas. Eh ben, on utilise des braises. Allez, bon. Merci. Voilà, voilà. Merci beaucoup, bonne émission. Hein. Mona, je crois que t'as un message à nous faire passer. Le saviez-vous? Studek Web vous dit tout. Les Anglais n'auront jamais de président. La tomate est un fruit. Les dauphins sont des violeurs. Avec Studek Borderline, vous vous coucherez moins bête. Et donc Mona, un beau message à nous faire passer aujourd'hui. Eh ben oui, parce que les gars, vous arrêtez pas de m'embrouiller en me disant « Ouais Mona, tu râles beaucoup, t'arrêtes pas de faire la gueule, tout ça. » Eh ben, saviez-vous que j'ai tous mes droits parce que des étudiants allemands ont prouvé que râler, bah, ça prolongerait ta vie. Ah ouais? Donc ouais, je pourrais vivre plus longtemps parce que je râle tous les jours. Tu vas être vraiment championne du monde. Ah mais moi, je vais vivre jusqu'à 100 ans, je immortel. Pense. Bon, je vais être un peu plus précise quand même, c'est une université allemande, Jena. ouais. que tout le monde connaît. C'est des étudiants qui ont fait cette analyse sur 6000 personnes, donc c'est pas rien quand même. Et ils ont prouvé qu'en gros, quand tu te compressais trop et que tu gardais à l'intérieur de toi ce que tu ressentais, eh ben, tu pouvais souffrir d'hypertension par la suite. Donc, vous voyez, j'ai raison quand je m'exprime, c'est pour ma santé. Donc, arrêtez de râler. Et tous les auditeurs qui nous écoutent et qui râlent parce que leurs meufs sont comme moi, eh ben, ne râlez plus, c'est terminé. Elles font ça pour leur santé. On fait ça, pour notre santé. C'est notre faute si elles ont une santé maintenant. C'est votre faute. C'est votre faute parce que je me retiens à cause de vous. Ok? C'est la pire. Vraiment, j'ai pas d'autre mot, c'est la pire. Non, je suis pas la pire, c'est normal. Si, tu es la pire, c'est Mona. Normal. Je vous ai trouvé une info qui prouvait que j'avais raison d'être comme ça. Donc maintenant, vous taisez pour pas être plus vulgaire et vous m'écoutez. Antonin. En tout cas, ne rien dire, tu sais que ça peut provoquer du psoriasis. Ah ouais? Ouais. Je suis plus renseigné que toi. Eh bah bravo, très bien. L'émission finira mal. Hein, ça va c'est très sûr, mal Mona, finir, tu vas vivre beaucoup plus longtemps que nous, ça c'est sûr. Dans quelques instants, sur Studek Web, on parlera du sondage, et pas n'importe quel sondage, quelque chose qui n'a jamais été fait dans Studek Borderline. Ce sera juste après Bon Entendeur, qui a remixé la musique d'Isabelle Pierre, Le Temps est Bon, sorti en 1973. Bon Entendeur sur Studek Web, un trio qui existe depuis 2012. Alors, le sondage du jour sur Studek Web, vous l'attendiez, Hugo, Mona, parce que ça n'a jamais été fait. On va parler de vous deux. Oh. Voilà. J'en ai marre de vous voir vous bagarrer comme des gamins, un peu là, comme dans les couloirs de la radio. Mais j'y peux rien, elle me prend toujours mes frites à la cantine aussi. Et toi, tu m'as volé mon chocolat tout à l'heure, j'avais mis 1 euro dedans. Mais que dalle, c'est faux, j'avais mis 1 euro. C'est bon, justement, écoutez, c'est bon. Voilà, les auditeurs vont choisir lequel d'entre vous est le meilleur. Comme ça, fin. Fini. Ok. Vous deux, et après, je veux plus jamais entendre parler des embrouilles dans les couleurs de la radio. Okay, plus jamais, promis. Alors si vous nous écoutez, je vous en supplie, allez voter sur le @studequeb Instagram et Facebook et envoyez-nous vos réactions et votre numéro de téléphone avec les messages privés. Mona, est-ce que ça bouge un peu? Ouais, ça bouge parce que je suis à 63%. Les gens me préfèrent. On sont d'accord avec toi. Non, mais attends, parce qu'il faut préciser aussi que Mona, elle se balade partout pour dire, va voter pour moi sur Instagram. Ouais, c'est... Alors c'est totalement faux. Tu sais pourquoi Antonin, les gens votent Antonin, pour moi? Est-ce que j'ai la vérité? C'est vrai. Tu sais pourquoi les gens votent pour moi? Tout simplement pour ça. Meuf, bonne meuf. Voilà, parce que je suis une bonne meuf. Exactement. Ah ouais, voilà. Quand, Mona, tu fais pas du 95F, t'es pas une bonne meuf, Mona. Mais tu veux parler avec ton corps de lèche? Les enfants, arrêtez, mince. Mais c'est incroyable, vous êtes intenable. Je vais acheter une laisse la prochaine fois, c'est un truc de ouf. Bah, t'as la petite besoin pour Mona, mais. Non, je vais acheter une laisse pour Hugo et une muselière pour Mona, comme ça tout le monde est tranquille. Comme ça plus personne ne parle, voilà, mince. Ok, très bien. En tout cas, voilà, allez, à vous de réagir sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, @studequeb. Vous nous envoyez un message privé avec votre réaction et votre numéro de téléphone. Mona, oui. C'est le moment d'être sensuel sur StudiQueb. Alors messieurs, calmez-vous. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je trouve que dans cette émission, on parle pas assez de femmes, de sensualité, de passion, de romantisme. De cul, quoi. Si tu veux, ouais. Alors attention, musique d'ambiance. Lucas, s'il te plaît. Est-ce que vous reconnaissez cette musique? Ça vous dit quelque chose? Non. 50 Shades. Alors c'est un stéréotype. D'accord. Et moi, j'aime pas du tout. Lucas, à l'arrêt, s'il te plaît, change-moi cette musique de sadomasochiste. Ça, c'est mieux. Bon, il y a pas longtemps, je me suis un peu refait la saga 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris en français. Et je vous avoue qu'en fait, ouais, j'ai un peu analysé le film, je me suis dit, fais ta journaliste et analyse. Et puis, en fait, j'ai été choquée. Franchement, j'ai été choquée parce qu'une meuf, tu vois, une hlèle comme moi. Tu es une mytho. Merci Lucas, c'est sympa. Bon, non, enfin, voilà. Tout ce qui rapporte au sexe, on va dire que ça me rend un peu pudique quand on en parle trop. Et du coup, en fait, ça m'a un peu choquée parce que c'est quand même l'histoire d'une fille qui est à la base vierge, qui kiffe sur un mec qui aime les menottes et les fouets. Donc c'est pas n'importe quoi, tu vois, c'est quand même une grosse contradiction de la light. Vous me suivez un peu? Déjà, tu es la light. Elle était vierge. Pour l'instant, on te suit. Pour le moment, on te suit. Ok, d'accord. Vous avez déjà vu le film, les garçons, ou pas? Absolument pas. Moi non. Pas du tout. Donc voilà, j'étais sûre que vous l'aviez mais pas non, vu, mais c'est, mais pas, c'est besoin, pas grave. C'est comme Game of Thrones, pas besoin de voir pour savoir non, de quoi tu parles. En fait, c'est tellement pas ma vie, ça m'a choquée en fait. Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a choquée parce que c'est tellement pas ma vie. Moi, j'habite dans une petite banlieue parisienne, jamais vu de jeunes milliardaires sombres et virils. Moi, j'ai vu que des rebeux en Air Max en survêt, en train de se rouler des ouinches, quoi. Tu vois, enfin, rappelons bien évidemment que toutes ces substances, sont interdites en France. Oui, et en plus, bon, la meuf, comme je dis, elle est vierge. Encore une fois, je le répète, elle est vierge. Et elle est vierge. Elle est amoureuse d'un mec qui est vierge. Les fesses et qui veut l'attacher à tous les meubles de la maison, c'est quand même dingue, tu vois. Non mais moi, le jour où un gars il me dit aujourd'hui Mona, je décide de t'attacher à la poignée de la porte, tu vas entendre ça. Et nique ta mère, tu connais nique ta mère. Ah non mais là y a pas d'excuse. C'est pas un défantasme ça. Ah non mais parce que regarde. Tu sais qu'il y a là les meufs genre se faire attacher, les yeux bandés, tout ça, genre, pas c'est du tout, pas du tout. Non mais le mec il est complètement ouf parce que je vous rappelle qu'elle est tombée amoureuse d'un garçon qui lui a dit ça au premier date. Je ne fais pas l'amour, je baise. C'est ça donne tellement envie. Vous avez vu ça? Non, franchement, c'est pas du tout mon truc. Je préfère ma petite banlieue, RPZ 94. Hein, voilà. Et c'est pas plus mal. Moi, je suis plus dans le romantisme. Tu vois, je suis un peu plus ça, moi. Bébé, tu es une lumière, t'es la femme de quelqu'un. Qui brille sur ta main, veut dire que tu m'apportes. Voilà la romantique. Oui, j'aime le romantisme. Je suis féministe, mais j'aime le romantisme. Et ce film ne me plaît pas du tout. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Bah écoute, merci Mona. Et est-ce que vous saviez que Justin Bieber s'était marié? Oui, ah ouais, avec en septembre, en toute discrétion avec la mannequin Hailey Baldwin. Ouais. Et ils viennent de fêter leur premier Thanksgiving ensemble. What do you mean de Justin Bieber, c'est maintenant et c'est sur StudiQueb. What do you mean? Saying, trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Yes, but you wanna you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all fall protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Merci de nous rejoindre sur Studek Web 15h16. Dans Studek Borderline, on vous en apprend tous les jours. Alors aujourd'hui c'est assez particulier, Hugo il s'est rendu dans la street, yes. Et pour une fois c'est pas pour dire de la merde. Non mais véridique, rigole, tu vas voir. Pour être sérieux, vous savez tout ce qui s'est passé aux Champs-Elysées ce samedi. Il y a eu de très nombreux débordements, de la violence, des dégradations. Et bah moi ça m'a intrigué, j'ai voulu comprendre comment on a pu en arriver là. Alors je suis parti demander directement et j'ai rencontré Sébastien avec qui j'ai pu m'entretenir de très longues minutes. Je vous laisse écouter son coup de gueule, on réagira juste après. Je suis gilet jaune et fier de l'être. Je m'appelle Sébastien, je suis père de famille et... Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis artisan. Vous faites partie des classes qui sont très touchées par tout ce qui se passe en France ? Ouais, bah oui, je suis en plein dedans. Voilà, on paye des charges de fous furieux et on s'en sort pas. On n'arrive plus à prendre de salaire, mon épouse et moi. On n'arrive plus à partir en vacances. Et plus le temps passe et pire c'est. Donc maintenant, ça suffit. Pourquoi vous êtes venu sur les Champs-Elysées ce samedi ? Bah, je suis venu pour dire stop à Macron. Il faut absolument qu'il réussisse à redonner du pouvoir d'achat aux gens, les retraités n'en peuvent plus, les artisans n'en peuvent plus, voilà, on est toute une pléiade de gens qui n'y arriveront plus, donc il faut absolument qu'ils trouvent une solution, voilà. On veut juste récolter le fruit de notre travail, rien de plus, on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour emmerder qui que ce soit, moi Macron, j'ai rien contre lui. Sauf que à cette heure-ci, on bosse comme des fous et on n'y arrive plus. Et c'est pas normal. Voilà. Actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a l'acte 3 des Gilets jaunes qui est en train de se mettre en place pour une nouvelle manifestation samedi prochain. Est-ce que vous comptez éventuellement y retourner ? Ah, bien sûr, ouais. Alors, j'ai quitté Sébastien qui rentrait chez lui remonté comme une horloge. Cependant, je cite, il était heureux car cela faisait longtemps qu'il attendait une réaction du peuple. C'est ses mots. Voilà, donc on va pas parler politique 3 heures. Non, mais en gros, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous comprenez les actions des Gilets jaunes de ce week-end ? Alors, Mona, t'as l'air tellement bien lancée, vas-y. Non, en fait, moi ce que je retiens surtout, c'est ton expression avec l'horloge qui m'a particulièrement surprise venant de toi. D'accord, voilà, t'as pas écouté Sébastien en fait. Non, si, j'ai écouté Sébastien effectivement. Et en fait, je suis d'accord avec eux, mais je trouve que c'est allé trop loin. Je suis passée aux Champs-Elysées, il y avait tout qui était cassé en fait. L'action des Gilets jaunes en soi était pacifique, était bien, mais il y a eu les casseurs dans l'eau, c'est tout. C'était abusé. Merci Hugo, c'était super intéressant. Un petit peu de sérieux, ça fait du bien de temps en temps. Je viens de casser l'ambiance. Oh. Et on se retrouve après pour la chronique film culte. Et si vous voulez voir la belle tronche d'Hugo, voilà, bah vous allez sur Dailymotion. Je vous fais coucou les amis, non c'est celle-là, voilà, je vous fais coucou. Votez pour vous. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. Si vous voulez tenter de gagner un pack Studek Web qui contient une casquette et un maillot aux couleurs de la radio, et bah jouez avec nous au jeu des poupées russes sur Studek Web, le jeu à double tranchant. Mona et Hugo, ils ont chacun un thème aujourd'hui. Hugo, tu as choisi le jeu de la balle et qui est le football. Le jeu de la balle qui est le football. Et Mona. Et moi, le jeu des gros, les fast-food.

Angel sur Sudacop qui vient d'annoncer une date au Zénith de Paris le 29 septembre prochain. Alors, le sondage du jour, si on peut appeler ça un sondage, c'est plutôt de l'aide que je vous ai demandé pour départager Mona et Hugo. Et c'est l'un des auditeurs de Sudacop qui s'appelle Tom, qui a la réponse finale. Bonjour Tom. Salut l'équipe, ça va quoi? Salut Tom, fais très attention à ce qui va suivre. Attention, alors Tom. Je fais très attention. Alors Tom, tu as 23 ans et tu es commercial dans les produits pharmaceutiques et tu nous appelles de Lyon. C'est ça, Lyon, la plus belle ville. Bienvenue. Ah, bienvenue. C'est très beau, c'est très beau. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens de Lyon qui nous écoutent. Ouais, ouais. Voilà. Je pense qu'on vous écoute partout, vous êtes super. Hein. Ah, c'est gentil, merci. Ça fait plaisir. Alors maintenant que t'as été assez gentil, va falloir que tu les détruises un peu. C'est toi qui vas départager du coup Mona et Hugo. Et selon toi, qui est le ou la meilleure? Alors, c'est difficile parce que je les aime vraiment tous les deux. C'est deux personnes superbes, tout ça. Mais moi, je vais un petit penchant pour Hugo. Je vais m'expliquer quand même parce que c'est important. Explique-toi, oui, je t'écoute. Tu vois, il est sympa, il est beau, son rire est communicatif. Ah, moi, je suis pas belle. Je suis pas sympa. Mais tu vois, t'as pas le charme du pirate, tu vois. Le charme du pirate. Ah oui, je suis un pirate. Oui. La raison du temps. Et puis Mona, je suis désolé, mais les blagues d'Antonin et tu les comprends jamais. Voilà. T'es sûr que tu viens de Lyon et pas de Picardie ou un truc comme ça? Non, parce que là j'accepte pas. En tout cas, écoute, merci beaucoup Tom. Ça y est, c'est départagé. Tu trouves que c'est Hugo le meilleur. Ouais, et tu reviens quand tu veux. Mona, elle est super aussi. Et toi aussi. Je te parle plus. Ouais, et merci. T'as fait une erreur, t'as donné ton adresse. Voilà. Je viens chez toi. Mais c'est pas grave. En tout cas, merci les gars. Merci à toi, Tom. Tu reviens quand tu veux et un grand merci d'avoir participé encore avec nous. Merci à vous. Et bisous, allez, mon pote. Merci encore. Je vous embrasse. Salut, à bientôt sur StudioClub. Ah. Est-ce que ça serait pas l'heure de l'alerte média? Il y a l'alerte média, ouais, qui vient de retentir. Alors, des news. Eh ben, ils sont de retour. Voilà, on va commencer comme ça. Ils sont de retour après 23 ans d'absence. Dire Straits, ouais, enfin. Dire Straits sont de retour, enfin pas au complet, malheureusement, bah il n'y a que Chris White, le saxophoniste, qui sera présent pour cette tournée française qui s'appelle The Dire Straits Experience. Donc ils passeront à Toulouse, Bordeaux, Tours, Strasbourg, Lille, Paris, Dijon, Marseille et Lyon. Tiens, voilà, bon, on pense à toi Tom, qui vient de Lyon. Alors moi, rien à voir, j'ai la liste des femmes qui ont été les mieux payées au monde cette année. Vas-y. Et à votre avis, qui est la première? J'avais vu son nom mais je l'ai plus. Ok, c'est Katy Perry. Non, c'est Katy Perry. Et pourtant son album n'a pas marché, mais comme elle est jury pour American Idols, bah elle a eu des gros chèques et elle a gagné plus de 80 millions d'euros cette année. Wow. Et elle est suivie de près par Taylor Swift et Beyoncé, 60 millions. Donc c'est chaud, elles gagnent bien leur vie comparé à nous. On continue avec le prince Harry et son épouse Meghan Markle qui vont déménager à Windsor début 2019 en vue de la naissance de leur premier enfant qui est attendu, je le rappelle, au printemps prochain. Le couple vivait depuis ses fiançailles au Nottingham Cottage dans l'enceinte du palais de Kensington à Londres. L'entreprise allemande Big Rep a réussi à fabriquer une moto électrique au look futuriste avec une imprimante 3D, donc tous les éléments sauf le moteur ont été conçus avec cette imprimante. Et petite info supplémentaire, la moto s'appelle Nera. À mon tour. Alors, allez, j'ai une info un peu what the fuck. Est-ce que vous saviez que Vincent McDoom avait fait des petites confessions à potin.net? Il a dit qu'il rêverait de coucher avec Macron. Donc c'est assez drôle, voilà. Très bien. Après Nissan, Mitsubishi Motors et Vince à son tour, son président, le limochage de Carlos Ghosn a été décidé à l'unanimité des 7 membres, dont le dirigeant exécutif Osamu Masuku, qui va prendre la présidence. Et on finira l'alerte média par une triste découverte ce matin en Corse, un cachalot de 12 mètres qui s'est échoué sur la plage de Galerie. Et dans quelques instants sur StudioQueb, ce sera le retour de l'info. Et ouais, il est encore temps. Oui, il est encore temps. Je fous. Oula, qu'est-ce qui t'arrive, ça va plus du tout là. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Le retour de l'info, je disais, et il est encore temps, oui, de vous inscrire pour jouer aux poupées russes sur StudioQueb via la page Facebook et le compte Instagram @StudioQueb. Et alors, Hugo, tu nous parleras de Disney avec un film que les petits et les grands pourront découvrir. Absolument. Et il y a aussi Jane qui va arriver dans quelques instants. Tout le monde connaît ce titre, All Right, de Jane. Ah bah oui, évidemment. C'est pendant cet été, qui l'a écouté cet été sans déconner? Madame. Moi, j'ai pas arrêté. Sérieusement? Non, ouais, vraiment. Vraiment. Ça donne envie de. Dans la voiture. Comme ça. Dans la voiture, dans la rue, partout. Voilà, donc si vous écoutez StudioClub, vous connaissez ce titre, je vais y arriver. Ça s'appelle Jane, ça s'appelle All Right, et c'est sur StudioClub. Ce soir, entre 17h et 18h, retrouvez Dove, Romain et Rémi pour le GPS, le Grand Prime Studec, c'est son nom, et c'est votre émission détente après une grosse journée de travail. Ils reviendront sur la carrière de Gérard Lenormand dans l'Avenir Story, et la chronique plein phare vous attend pour vous en mettre plein les yeux. Vous pourrez tenter de gagner un pack Studecob et visiter les locaux de la radio en jouant au jeu de la marche arrière. Et bah, c'est la bonne humeur au rendez-vous, c'est ce soir, 17h, 18h, dans le GPS sur Studecob. Sur Studec Web. Studec Web, les infos. 15h30 sur Studec Web, le flash Pierre-Louis Mauger. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Antonin, bonjour à tous. Un conseil des ministres s'est tenu ce matin. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, y a présenté son projet de loi d'orientation sur la mobilité. Les péages urbains en sont finalement exclus. C'est une première conséquence du mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement prépare d'autres mesures pour répondre à la grogne. Emmanuel Macron les présentera demain. Le président va donner une nouvelle méthode pour que la transition écologique soit la plus juste possible, explique l'Élysée. Après un deuxième week-end de manifestations et de blocages des routes qui perturbent l'activité économique, les organisations patronales, des artisans, des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs sont reçus cet après-midi à Bercy et demandent l'aide du gouvernement. Samedi, les centres commerciaux ont enregistré une baisse de 15% de leur chiffre d'affaires. Au Japon, après Nissan, le conseil d'administration de Mitsubishi a limogé son président Carlos Ghosn, qui est toujours en garde à vue. Le troisième groupe de l'alliance automobile Renault-Nissan a jugé difficile de maintenir en poste le puissant capitaine d'industrie de 64 ans, une semaine exactement après son arrestation surprise à Tokyo. Un verdict qui ébranle l'alliance automobile franco-japonaise qu'il a forgée en près de 20 ans d'un règne sans partage. Le secrétaire général de l'OTAN a convoqué une réunion extraordinaire avec l'Ukraine cet après-midi à Bruxelles, après la capture par la Russie de navires ukrainiens. La Russie s'est emparée dimanche par la force de 3 navires de la marine ukrainienne, faisant des blessés dans le détroit de Kerch, un acte qui a provoqué une escalade sans précédent dans cette zone sensible. Le Kremlin a assuré lundi que la Russie avait agi en stricte conformité avec le droit international. La France s'indigne, rien ne paraît le justifier l'emploi de la force par la Russie. Le cinéaste italien Bernardo Bertolucci s'est éteint à l'âge de 77 ans. Il était un des rares réalisateurs italiens à avoir mené une partie de sa carrière à l'étranger. Président du jury du Festival de Cannes en 1990, Palme d'honneur en 2011, il avait reçu 9 Oscars pour Le Dernier Empereur. La météo, et c'est un ensemble gris sur le pays aujourd'hui, un temps bien maussade, des nuages bas et de la pluie sur les trois quarts du pays. Il neige sur les Alpes et le massif central au-dessus de 800 mètres. Demain, une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne et elle s'étendra sur un bon quart nord-ouest dans la journée. Pluie et vent, soleil généreux sur le pourtour méditerranéen avec un mistral et une tramontane qui pourraient monter jusqu'à 90 km/h en rafale. Côté température, il fera maximum 4 à 8 degrés au nord-est et au centre-est, 8 à 15 ailleurs et jusqu'à 17 sur la Côte d'Azur et la Corse. 15h32, retrouvez Antonin et toute l'équipe de Borderline. Merci Pierre-Louis, rendez-vous à 16h pour le retour de l'info. C'est Borderline sur Studec Web. Et on joue ensemble dans un petit peu moins de 20 minutes au jeu des poupées russes sur Studec Web. Je vous rappelle les règles. Vous choisissez un animateur à affronter sur un sujet et vous avez 45 secondes pour donner le plus de réponses possible. Hugo, quel est ton thème aujourd'hui? J'ai choisi le football. Le football. Et Mona? Fast food. Pour participer, on attend vos messages privés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram @studecweb. Elle fait partie des Français les plus influents au monde avec Christine and the Queens, que l'on appelle Chris aujourd'hui. C'est Jane. Woo, all right sur Studecweb. Things gonna be alright. If love is around, things gonna be alright. Things gonna be just fine. Things gonna be alright. If love the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be alright. Toulousaine Jane, ouais, un peu comme Big Flo Oli, elle est toulousaine aussi, et c'est sur Studek Web. Alors Hugo, tu es là pour nous parler d'un film culte qui nous a tous marqués. Ouais, ouais, alors, est-ce que non, vous pouvez pas savoir ce que c'est, du moins j'espère pas. Alors en gros, donc je pense que, je suis même sûr, à 99% que tous les gens ont déjà vu ce film. Il est composé de... Mais aussi de... Tu trouves pas qu'on dirait Antonin un petit peu Le premier c'était moi. Le premier c'était moi. La blague est facile. Tom, bon, si tu nous écoutes encore, t'aurais pas dû voter pour Hugo. Bon allez, on va parler du Roi Lion. Tout le monde chante sur cette musique. Ça bien sûr, c'est la base. Arrêtez de détruire. Je ne parle pas pour laisser l'auditeur justement kiffer, mais. Ah bah nous on détruit un peu. Bon allez, ouais, c'est désolé. Pas grave. En plus d'avoir eu cette brillante idée de chronique, ça change un peu des idées de Mona qui sont toujours focalisées sur le rap et les arabes. Et bah j'ai une super nouvelle. En juillet prochain, une nouvelle version du film sera dévoilée au grand public. Comment je vais expliquer à mes futurs enfants qu'un jour je me suis retrouvé dans une salle de cinéma entouré d'adultes pour aller voir un film d'animation? Entouré d'adultes? Bah oui, bien sûr, parce que tous les gens qui ont vu le film original justement vont tous retourner au cinéma pour le voir, c'est obligé. Sûr, ouais. Donc je pense que pour ceux qui ne connaissent pas le film, je vais quand même le résumer. L'histoire, ça se passe dans les fins fonds de la savane, hein. Tous les animaux célèbrent la naissance d'un jeune lionceau appelé Simba, leur futur roi. Son père, le roi Mufasa, qui est déjà un bon lion, tu vois, un gros lion qui blague pas du tout, et bah il le prépare au poste en lui apprenant un petit peu tout ce qu'il doit savoir. Mais la décision ne satisfait pas tout le monde, et notamment Scar, le propre frère du roi. Et cette espèce de petit s'il te plaît, ce sacré chenapan va trahir son frère pour prendre le pouvoir et forcer Simba à s'exiler. Des années plus tard, Simba compte bien venir se venger et récupérer ce qui lui revient de droit. Ouais. Voilà, j'en dis pas plus parce que il y en a qui n'ont pas vu le film, et pour ceux du moins qui voudraient le voir ou le revoir, la version du film de 94 est toujours disponible à l'achat dans les différentes surfaces ainsi que sur les plateformes de streaming légales. Oui. Attention. Et vous, la team, vous en pensez quoi? Bonne ou mauvaise idée de refaire un film sur le Roi Lion? Ah, hyper bonne idée. Vous avez vu le trailer? Alors, j'ai vu le trailer, mais est-ce que tu savais aussi qu'en 2016, ils avaient déjà refait Le Livre de la Jungle et qui avait fonctionné, qui avait fait un carton plein? Non, mais ils refont pas mal de films. Ils vont refaire Aladdin, ils vont refaire Mulan. En fait, tous les dessins animés, les transforment en film, et c'est une très bonne idée. Le Roi Lion, la comédie musicale était aussi sublime. Non, mais moi, je te jure, franchement, j'étais sur le cul. Désolé de parler comme ça, mais en voyant le trailer, quand tu vois le lionceau, genre quand ils le mettent, c'est comme magnifique. Ça, c'est incroyable. Ouais, j'étais à fond. Moi, j'ai regardé le 94 et 2018, non, 2019. Ouais. J'ai regardé les deux versions. Quand ah non, mais je te jure, en tout cas, merci Hugo pour cette redécouverte du film Le Roi Lion. sur Studek Airlines. Attention, décollage imminent pour les musiques d'ailleurs. À destination de... Le Kosovo, et oui, ça y est, aujourd'hui, Mona, elle a décidé de ne pas nous parler d'Orient pour la musique. Enfin. Et oui, ça y est, je me suis débarrassée du thé et des dates, et je vous emmène dans un pays où il fait 40 degrés au mois de juin et moins 30 degrés au mois de décembre. C'est vrai ? Et oui, le Kosovo, je suis sûre que vous savez même pas ce que c'est. Non, vous c'est, un pays, c'est bien. Oui, alors, je vais vous donner quelques petites infos, c'est pas le saviez-vous, mais faut le savoir, la capitale c'est Pristina, c'est l'ex-Yougoslavie, et les habitants sont appelés les Kosovars. Vous dormirez moins bête. Enfin bref, alors je vous parle de ce pays déjà parce qu'on n'en parle pas assez déjà d'une, et de deux, c'est qu'ils ont quand même pas mal de bons artistes, dont comment elle s'appelle, Hera Istrefi. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est difficile de, à prononcer. De nom, ouais. De nom, ça doit vous dire quelque chose parce qu'elle est extrêmement connue. Elle a commencé sa carrière, donc pour les petites infos, elle a commencé sa carrière à 19 ans. Elle est issue d'une famille de musiciens, sa mère est albanaise, c'est une artiste qui vient d'Albanie et du coup elle est connue dans les deux pays en fait. Mm-hmm. Elle est connue au Kosovo et en Albanie et du coup en 2016 elle a été vraiment genre ça a été la consécration de sa carrière parce qu'elle a été mondialement connue. Okay. Vraiment. Du coup je vais vous passer un extrait de la musique qui l'a propulsée au rang de reine. Ça vous disait quelque chose, les garçons, cette chanson? J'adore cette musique, c'est un truc ouf. Non, mais elle est hyper connue. Donc, elle a eu un succès monstre par la suite. Et les magazines du monde entier parlaient d'elle comme si c'était la nouvelle Sia et Rihanna. Ils disaient que c'était un mélange des deux, que c'était un peu la Rihanna d'Albanie. Enfin, j'en passe. Hein, elle a eu plein de compliments. Et en plus de ça, elle a fait l'hymne de la Coupe du Monde 2018 qui s'appelle Live Up. Et c'est avec J Balvin et Will Smith, écrit. Je vous parle de cette artiste parce qu'elle vient de sortir un nouveau son qui s'appelle Oh God et on en parle juste après. Vous allez me dire ce que vous en pensez, les garçons. Écoutez. Ok. I feel like a god when I hear you say, oh god, oh god. Boy, it's so fucking hot when I hear you say, oh god, oh god. And boy, it sounds like a song when I hear you say, oh god, god, god, god. You make me feel like a god when I hear you say, oh god, god, god, god. Oh god, oh god. Oh my lord, black card, give you everything. When you go downtown, could you do a better thing? I love the direction that you're heading in. When the waves start riding on the ocean, bring out all kind of emotion. Let me give it to you wild like a Conan. You sing me name out like an emotion. Girl, I dip it, body cannot be lazy. Got to be a bad girl if you match me crazy. Your body good like cool, clear lip. And it get wetter when you hear you me. You make me feel like a god when I hear you say, song. When I hear you say, oh, God, God, God, God. C'était le titre de la Kosovar Era Istrefi et ça s'appelle Oh God. Et je vous avais posé une question juste avant qu'on démarre. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez que ça fait américain? Est-ce que vous aimez bien le son? Un peu américain. Mais vous avez validé ou pas? Vous validez le son? Ouais, carrément, ça fait bouger, c'est cool. Moi j'ai bien aimé, moi j'ai remué les épaules pendant. Oui, je t'ai vu. En tout cas, voilà, ça s'appelle Era Istrefi. Enfin, elle s'appelle Era Istrefi sur Studekweb et c'est une artiste prometteuse. Et dans un peu moins de 10 minutes, on va accueillir Romain à notre table. Il jouera au serment d'hypocrite. Ça va vraiment pas aujourd'hui. On jouera aussi ensemble dans 5 à 6 minutes au jeu des poupées russes sur Studekweb. Et les thèmes choisis aujourd'hui sont pour Mona, fast food, et pour Hugo, le football. Pour participer, on attend vos messages privés sur la page Facebook et le compte Instagram @Studekweb avec votre numéro de téléphone. Et ça, c'est la bande originale du film A Star Is Born. Lady Gaga et Bradley Cooper, Shallow sur Studekweb. Le GPS, c'est l'émission qui vous raccompagne chaque soir après le boulot, du lundi au jeudi à partir de 17h. Au rendez-vous des jeux avec le jeu de la marche arrière. On vous fait gagner un pack Studekweb et une visite des locaux. Tout au long de l'émission, des indices seront donnés et à vous de trouver une année en particulier. Il y aura aussi de la bonne humeur et de l'info, tout ça compilé en une heure de temps avec Romain, Rémi et Dov sur Studekweb. En moins de 5 minutes, le jeu des poupées russes sur Studekweb. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself. So I'm off the deep end. après le calme, direction la tempête glaciale, direction la Russie sur Studio Club. On joue au jeu des poupées russes sur Studek Web. Le jeu des poupées russes, c'est maintenant sur Studek Web. Et avec nous au téléphone, c'est Axel. Bonjour Axel. Salut Antonin, salut toute l'équipe. Salut Axel. Salut, comment ça va? Ben nickel, tranquille, lundi après, ben elle a bien. Voilà bien, elle a bien. Alors tu as 28 ans et tu nous appelles d'Angers. Exactement. Voilà, et on m'a aussi écrit que tu étais coiffeur. Coiffeur à Angers, c'est ça. Coiffeur à Angers. Alors est-ce que t'as une passion? J'ai une passion, j'adore le paintball. Enfin c'est une passion comme une autre, Mona, ne fais pas les gros yeux. Voilà. Non, mais t'inquiète, tout va bien. Ça fait pas trop mal quand même. Le paintball? Ouais, ça va, pas trop mal. Bah écoute, ça dépend, avec les gars, des fois on fait expérience, mais vraiment, on tire vraiment hyper proche. C'est un peu un jeu de sadomaso. Sadomaso, pardon. On a compris, Hugo. Est-ce que tu as des animaux de compagnie, tiens? J'ai un lapin, ouais. Et il s'appelle comment ton lapin? Eh ben, il s'appelle Lapin. T'as pas trouvé mieux? J'ai pas trouvé mieux, non. Avant, j'avais un chat que j'avais appelé Monsieur Chat. Lapin. Une vie sentimentale? Vie sentimentale, je suis en couple avec ma chérie que j'embrasse depuis 3 ans. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Emeline. Ah ben bonjour à toi Emeline, on t'embrasse tous. Mona t'embrasse et Hugo t'embrasse aussi. Ouais, si tu veux, pour finir, elle a une petite anecdote comme ça, soyons fous. Une petite anecdote, mais justement ça concerne le paintball. Je faisais une partie en forêt. J'ai pas vu un fossé, il y avait un fossé, je suis tombé. Le sac m'a retenu, j'ai échappé à une chute de 6-7 mètres à peu près. Ah ouais? J'ai frôlé la mort quoi. Voilà, mes amis ont galéré pour me retirer, mais. Je touche du bois, je suis toujours là. Donc on a de la chance de t'avoir. On a de la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors je te rappelle rapidement les règles. Mona et Hugo, ils ont chacun un thème. Ouais. Hugo, ton thème aujourd'hui c'est le football. Et Mona, ton thème aujourd'hui fast food. Fast food. Alors tu choisis le thème et l'animateur qui correspond. Tu auras 45 secondes pour répondre à la question correspondante au thème. Jusque là tout va bien? Jusque là tout va bien. D'accord. Alors à qui est-ce que tu choisis? Désolé Mona, mais ce sera Hugo. Ah, normal. Comme les phrases hasard. Fallait s'y attendre. Désolé, mais le foot là. C'est la vie. Je devrais gagner. Alors attention, Hugo, pose ta question. Alors il faudra que tu cites 4 pays qui ont déjà remporté la Coupe du Monde. Attention. D'accord. Top chrono. Alors 4 pays. Donc l'Espagne. Yes. L'Angleterre. Yes. La France. Yes. Cette année quand même. Et puis ceux qui l'ont remporté le plus de fois, le Brésil. Yes, yes. Yeah. Allez. Allez les bleus, allez. Voilà, et écoute, bravo Axel. Bravo, merci. Bravo, c'est gagné. Tu repars donc avec ton pack Studek Web. Super. Merci d'avoir participé, c'est merci génial. Merci à vous, vous êtes géniaux. Merci à toi, passe une bonne journée, ciao. Tu feras un gros bisou à Emeline de notre part. Mais ça c'est sûr, je vais lui faire des gros bisous. On rejoue. Je vous demande de vous arrêter. Le serment d'hypocrite sur Studek Web. Accusé, levez-vous. Mesdames et messieurs, la cour. Asseyez-vous. Accusé Romain, les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui, avoir regardé le postérieur de Mona 0,000 millième de seconde. Mon Dieu, c'est énorme. Où va le monde? C'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà énorme. Comment allez-vous? Eh ben, ça va super. Ah bon, est-ce que vous connaissez? Vous connaissez forcément le principe du serment d'hypocrite. Si je me souviens bien, oui. Je vous le réexplique quand même. Une personne de cette table qui ment. Voilà. Ça, chacun de nous va raconter une anecdote. Il y en a deux qui mentent. Oui. Une dit la vérité. Voilà. C'est une dit la vérité, deux mentent. On vous raconte une anecdote et si vous trouvez qui dit vrai, vous gagnez. Si vous trouvez pas, vous perdez avec un joli gage à la fin. Voilà. Et ben, allons-y alors. Alors qui commence? J'y vais. Allez, allons-y. Bon, alors en terminale, tu sais Romain, on a dû faire les bails d'APB, admission post-bac pour ceux qui ne savent pas au cas où. Et moi, mon premier choix sur la liste, c'était pas de faire une école d'animation radio, mais une école de commerce. D'après toi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je te laisse découvrir. Est-ce que tu veux que j'y aille, Mona? Vas-y. Alors, le mon anecdote, pour la fin. Voilà, mon anecdote va être très courte. Je suis né le 15 mars à 15h15. C'était le début de l'anecdote. Je suis né. Et il est né. Voilà. Avec des cheveux en bataille, tel un hérisson. J'avais un épi sur la tête qui était monstrueux. Personne n'arrivait à me coiffer. Et même en retirant mon bonnet de bébé, tu vois, mes cheveux ils se rebiquaient, genre. Tu vois, il s'est remonté. Et donc, ça m'a valu un beau surnom, l'Iroquois. Voilà. Déjà une tête de con dès le plus jeune âge. Allez, voilà. La sortie, celle-là. Hein. Mona. Ok, à mon tour. Alors, tu sais très bien, Romain, que nous avons une relation très Enfin bref, de toute façon, mon histoire, c'est que tout simplement, il y a un an, j'étais en train de me promener dans un centre commercial qui est très près de chez moi, Thiéb El Épine RPZ. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a un monsieur un peu fou, je pense qu'il sortait d'un asile, qui est venu me voir et qui m'a pris dans ses bras, qui m'a serré hyper fort et qui m'a fait un gros bisou. Il a même essayé de m'embrasser sur la bouche, mais j'ai évité de justesse. Et je l'ai poussé, il y avait mon père avec moi, il l'a attrapé et bam, tu vois, et voilà. Ouais. Ok. Agent de sécu et tout le reste à la fin. Moi, dans toutes ces histoires, on veut la pécho, c'est incroyable. C'est juste l'histoire de ma vie. Romain, à ton avis, qui dit vrai? Je pense que c'est Hugo. Je pense que c'est Hugo qui dit vrai. Ah, tu penses que c'est moi Attention. Qui dis vrai? Papier, je sors. Ah, dommage. Est-ce que tu crois sincèrement que ne pas faire une école d'animation radio, c'était pas mon premier c'était choix? C'était envisageable. Bah, vu ton talent, c'est ça ou rien, c'était ça ou le chômage. Alors, ton gage, ça sera de lancer l'intro qui va suivre de Christine and the Queens. Oui. En chantant sur l'air de Jaja. ça va plaire à Mona. Oh, Jaja. Voilà. Et bah, c'est parti. Écoute, nous, on se retrouve demain pour Studek Borderline entre 15h et 16h. Un nouveau sondage, des new news, une nouvelle chance de gagner un pack Studek Web au jeu des poupées russes. Et voilà, voilà. Et le mot de la fin? Un mot de la fin? Oui, papeterie. Papeterie, j'adore le mot papeterie. Médiamétrie. Voilà, parfait. Tout va très bien. Super. Tout va très bien. Et bah, c'est parti. Oh, Chris. C'est parti pour le meilleur média. Tout de suite. Hey.